Nous saluons chaque frère, nous saluons chaque sœur avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia kila nduku na kila dada mujina la Bwana Yesu Kristo. Nous saluons également tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous suivent à travers les ondes, à travers l'internet. Tunasalimia vilevile banduku na badada wanatufuata munjia ya internet. Nous les saluons tous aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimia bote mujina ya Bwana Yesu Kristo. C'est encore un privilège pour moi ce matin de me tenir devant les saints de Dieu dans ce tabernacle de Kambov pour apporter la parole de la vérité. Je remercie le révérend pasteur pour la confiance qu'il m'a afin que je puisse vraiment apporter la parole. Je remercie chaque frère, je remercie chaque sœur. Na shukuru kila nduku na kila dada. Je remercie tous les conseils de l'église. Na shukuru shauri yote ya kanisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Pour le travail, pour le grand travail abattu. Dieu a kazi munene muritumika. Avoir vraiment l'édifice comme celui-ci. Kuwa na ekalu sawai. Beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Huku makujitoa mingi mulifanya. Continuez encore à le faire. Muendele tena kuifanya. Soutenez vraiment l'œuvre de Dieu. Mushikamishe kazi ya Mungu. Soutenez votre pasteur. Na mushikamishe pastori wenu. Et pour tout cela, Dieu vous récompense. Jua ile yote Mungu atamilipa. Il n'y a rien, absolument rien. Akuikalake vitu ya bule. Que nous faisons pour le Seigneur. Ile tunamfanyia Bwana. Qui restera sans récompense. Bile vitabakia bila malipo. Croyez. Muamini, tout ce que vous faites pour le Seigneur, yote munamufania Bwana, Dieu vous récompensera. Mungu atamilipa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous nous mettons debout. Tutasimama boima. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Dio wanduku na wadada. Nous vivons réellement à l'aube du retour de Jésus-Christ. Tukunaishi kabisa kabisa kumkurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Jésus nous a dit, ne soyez pas troublés. Yesu alisema mushifadhaike kamwe. Moi aussi ce matin, je vous dis, ne soyez pas troublés. Na mimi asubuhi ya leo nasema mushifadhaike. Il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Ukumbakao mingi munyumba ya baba yetu. Si cela n'était pas là, kama ingekuwako, on ne devrait même pas venir vous prêcher. Atupashi kuja hata kumihubiri. Nous vous prêchons. Tukuna mihubiri. C'est parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. Niju munyumba ya baba yetu mukumbakao mingi. Et Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Na Yesu Kristo alienda kututayarishia. Est-ce que vous croyez cela? Et comme lui-même a promis, dès que j'aurai à terminer la place, je reviendrai. Et je vous prendrai. Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. C'est à cela que nos cœurs sont attachés. Et nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné dans ce temps. Afin que nous puissions être participants à sa nature et à ses promesses. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Verset 26. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu wa mpicha yetu. Selon notre ressemblance. Apate kufanana nasi. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Atawale yulu ya samaki ya bahari. Sur les oiseaux du ciel. Atawale yulu ya ndeke za anga. Sur le bétail. Yulu ya banyama. Sur toute la terre. Na pa dunia mzima. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Na yulu ya banyama bote banatambala. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mutu kwa mfano yake. Il le créa à l'image de Dieu. Akamuumba mfano wa Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba mwanamke na mke na mwanaume. Romains chapitre 8. Warumi sura munane. Le verset 1. Msari ya kwanza. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna tena hukumu kwa wale wote wanapatikana ndani ya Yesu Kristo. Verset 28. Makumi mbili na mnane. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tunajua kwa ile nabaki ya kwamba vitu vyote viko hako juu vizuri ya wale wako namtumikia Mungu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Kwa wale wenye kuitiwa kufatana na makusudi yake. Kwani ceux qu'il a connu d'avance. Ula alijua tangia mwanjo. Ceux qu'il a connu d'avance. Bale alijua tangia mwanjo. Il les a aussi prédestinés. Alibatarishia pia. À être semblables à l'image de son fils. Ili wapate kufanana na picha ya mwana wake. Afin que son fils. Ili mwana wake. Soit le premier né. Apate kuwa mzaliwa wa kwanza. De beaucoup de frères. Katikati ya banduku mingi. Et ceux qui l'ont prédestiné. Na wale alitangulia kutayarisha. Il les a aussi appelés. Alibaita pia. Et ceux qui l'ont appelé. Bale aliita. Il les a aussi justifiés. Alibasabia haki. Et ceux qui l'ont justifié. Bale aliyesabia haki. Il les a aussi glorifiés. Alibatukuza pia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tutasema nini basi kwa ajili ya maneno haya yote? Pour nous. Kama Mungu yuko ngambo yetu. Qui sera contre nous? Nani ula tatukombanisha? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Yeye ula shikwepushe mwana wake mwenyewe. Mais qui l'a livré pour nous tous. Na lakini alimtoa kwa ajili yetu sisi wote. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi? Namna kani atakosa tena kutupatia tena? Toutes choses avec lui. Vitu vyote naye. Qui accusera les élus de Dieu? Nani ula tastaki bateule ya Mungu? Si Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndiye kona sabia aki. Qui le condamnera? Nani atawahukumu? Christ est mort. Kristo alikufa. Bien plus. Zaidi tena. Il est ressuscité. Alifufuka. Il est à la droite de Dieu. Eko kukume ya babu ya Mungu. Et il intercède pour nous. Na eko natuombea. Même ce matin. Hata asubuhi ya leo. Christ intercède pour toi. Kristo anakuombea. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Encore une fois ce matin, nous voici dans ta présence. Maratena subuya leo shaba muwepo wako. C'est toi qui as dit. Wenjo ulisema. Et nous croyons cela. Na tunaiamini. Que ta bonté. Ya kwamba wema wako. Se renouvelle chaque matin. Unafanywa upya kila asubuhi. Et que tes compassions. Na mabuluma yako. Ne sont pas encore arrivées à terre. Yo walofika kumwisho. En cette matinée de grâce que tu nous accordes. Mwa subuya leo ya neema unatupatia. Use de bonté à l'égard de chaque frère. Ufanye wema kwa kila ndugu. Use de bonté à l'égard de chaque sœur. Ufanye wema kwa kila dada. De sorte que Seigneur. Munamna kusema Bwana. En venant à toi. Mukuja kwako. De la manière que nous sommes venus. Munamna ile tuliku. Que ça ne soit pas de cette manière qu'on quittera ici. Sous le sang de Jésus-Christ. Chini Adamu ya Yesu Christ. Souviens-toi de chaque frère. Ukumbuke kila ndugu. Souviens-toi de chaque sœur. Ukumbuke kila dada. Et sous le sang de Jésus-Christ. Na chini Adamu ya Yesu Christ. Je te recommande le culte de ce matin. Na kwatia ibada ya asubuhi ya leo. Bénis-nous, oh Dieu. Utubariki Mungu. Quand ta parole va sortir. Wakati neno lako itatoka. Que ton esprit puisse m'accompagner cela. Roho yako ipate kuisindikiza. Afin que la porte la délivrance. Ili ipate kuleta que la porte la guérison. Il est au tunzo. Pas seulement la guérison de nos corps. A pas tunzo mais la guérison aussi de nos âmes. Alakini na utunzo manafsi yetu. Sois avec nous Seigneur. Uwe nasi Bwana. Du début jusqu'à la fin. Mwanzo na mwisho. Que le tout s'efface pour la gloire de ton nom. Yote fanyike juu tukufa jina la. Au nom de notre Seigneur. Mujina Bwana wetu. Et sauveur Jésus Christ. Na mwokozi wetu Yesu Christ. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Mwanawezi kuikala. Depuis mardi, nous parlions sur l'adoption. Tangia siku ya kazi mbili, tukunasema yulu ya kukubaliwa sawa bana. Pas comme un enseignement. Apana sawa mafundisho. Mais nous prêchons. Alakini tukunahubiri. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Dio, nduku na dada. C'est vraiment très important. Ni ya mafa kabisa. Nous vivons réellement à l'aube du retour de Jésus-Christ. Tuko naishi karibu na kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Jésus revient bientôt. Yesu eko nakuja sasa hivi. C'est vraiment le plus grand espoir. Ini tumaini munene sana. En dehors de cela, il n'y a pas un autre espoir. Inje ya ile amuna tumaini ingine. Tout ce qu'on est en train de faire. Ile yote tukunafanya. La démocratie n'apportera rien du bon. Demokrasia yezu kuleta kitu kiema hata kimoja. Quel que soit ce que les gens font, aizuru kile watu wanafanya, il n'y a rien qui peut réellement nous amener la consolation. Hakuna kitu kia kutuletea faraja. Notre consolation c'est le retour de Jésus-Christ. Faraja yetu ni kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Et nous venons ici, na tunakuja hapa, et nous avions cru le message, na tuliamini ujumbe, le message biblique du temps de la fin, ujumbe wa Biblia ya wakati ya mwisho. Nous l'avions cru, tuliamini, c'est pour que nous puissions participer, ni juu tupate kushiriki, à l'enlèvement lors du retour de Jésus-Christ. Kunyanyuliwa wakati Bwana Yesu atarudi. Je pense que c'est cela. Na wazia ndio vile. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Hatuna batu ya zebu. Nous sommes un peuple appelé par Dieu. Tuku watu wenye kuitwa na Mungu. Un peuple appelé pour Dieu. Watu wenye kuitwa juu ya Mungu. Un peuple mis à part. Watu wenye kutiwa pembeni. Un peuple qui a l'objectif de Dieu sur la terre. Watu wenye kwa na kifukuzia ya Mungu pa dunia. Un peuple qui vit sur la terre avec l'objectif de Dieu. Watu wenye kuishi pa dunia na kifukuzio ya Mungu. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Dio nduku na dada. Nous avons le but divin. Tuku na kifukuzio ya Mungu. Pas autre but. Hapana kifukuzio ingine. Le but divin. Kifukuzio ya Mungu. Nous lisons aussi. Tutasoma tena. Ephésiens chapitre 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Ephésiens chapitre 1, nous commençons à partir du verset 3. Wa Efeso sura kwanza, mustari ya tatu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Abarikiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ulari tubariki na aina yote ya baraka ya kiro. Dans les lieux célestes en Christ. Alipa mbingu ndani ya Kristo. En lui. Ndani yake. En lui qui? Dani yake nani? En lui Jésus. Dani yake Yesu. En lui. Dani yake. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchagua mbele ya misingi ya dunia kuwako. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ili tupate kuwa takatifu na bila kemeo mbele yake. Il nous a prédestiné. Alitangulia kututayarisha. Dans son amour. Mu mapendo yake. À être ses enfants d'adoption. Ili tupate kuwa bana yake ya kukubaliwa sabana Jesus Christ, kupitia Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté, kufatana na mapenzi yake mema, pour célébrer la gloire de sa grâce, juu ya kushangilia utukufu wa neema yake, dont il nous a favorisé, inye alitupatia, dans le bien-aimé, ndani ya mpendwa. Dieu nous a élus. Mungu alituchagua. Avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia kuwako. Pour que nous soyons saints et irréprochables. Ili tupate kuwa takatifu na bila kemeo. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Aujourd'hui. Leo. Si réellement tu es l'élu de Dieu. Kama hakika ukumteule wa Mungu. Aujourd'hui. Leo hii. Quel que soit ce qui se passe. Aizuri ile nafanika. Tu as les capacités. Uko na uwezo. Tu as le capacité. Uko na uwezo. D'être saint. Ya kuwa. Tu as les capacités d'être irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que vous le croyez? Si réellement nous sommes les élus de Dieu, aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Aujourd'hui, nous sommes capables. Nous avons des capacités en nous d'être saints, d'être irréprochables. Amen. Amina. Il nous a prédestinés. Alitangulia kutuweka. Dans son amour. Mu mapendo yake. À être. Tupate kuwa. Ses enfants d'adoption. Batoto benye kubaliwa sabana. Par Jésus Christ. Kupitia Yesu Kristo. Ses enfants d'adoption. Batoto benye kubaliwa. Par qui? Kupitia nani? Par qui? Kupitia nani? Par qui? Kupitia nani? Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui. Tuko na magumu mingi leo. C'est parce que ni kwani? Il y a beaucoup de gens. Tuko batu mingi. Qui sont entrés dans le tabernacle. Baliingia maskani. Mais qui ne sont pas entrés dans l'église de Jésus. Alakini abakuingia mukanisa ya Yesu Kristo. Dans l'église de Jésus Christ. Mukanisa Yesu Kristo. On n'entre pas. Abengia kemo. C'est Jésus lui-même. Ni Yesu mwenyewe. C'est Jésus lui-même. Yesu mwenyewe. Qui ajoute. Je connais à l'église, kukanisa, ceux qui sont balé, sauvés, benye kokolewa. C'est Jésus lui-même. Ni Yesu mwenyewe. Qui ajoute à l'église. Je anaongeza ku kanisa. Ceux qui sont sauvés. Benye kuokolewa. Aujourd'hui on a affaire à beaucoup de religieux. Leo tuko na watu ya kidini mingi. Ne soyez pas religieux. Usikwe mtu wa kidini. Soyez de fils et filles de Dieu. Alakini mkwe bana bana mkwe. Ne soyez pas religieux. Usikwe watu wa kidini. Soyez des chrétiens et des chrétiennes. Mkwe wa Kristo bana mkwe na bana ume. Église, est-ce que vous êtes là? Yesi kanisa mkwa pa. Tous ceux qui sont religieux, ils ont contourné la croix. Les religieux ont contourné la croix. Madini na zunguka musalaba. Et le diable aussi est religieux. Na shetani nayo ni wakidini. Il est religieux. Eko wakidini. Parce qu'il a contourné la croix. Wani arenda pembeni ya msalaba. Vous allez dire. Unaweza kusema. Je crois en Dieu. Mina mwamini Mungu. Mais le diable aussi croit. Shetani nayo anamwamini Mungu. Et il tremble même. Na eko na tetemeka tena. Cependant, il n'est pas sauvé. Japo ashiaokolewa. Il croit en Dieu. Il tremble même. Anatetemeka tena. Il n'est pas sauvé. Lakini asiokolewe. Il n'est pas sauvé pourquoi? Il n'est pas sauvé parce qu'il a contourné la croix. Et il n'y a personne qui peut passer par la croix. Il n'y a personne qui peut passer par la croix. Et qui doit rester le même. C'est lui qui passe par la croix. Il y a réellement un changement. Et c'est un changement radical. Et aujourd'hui nous avons des difficultés. C'est parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ont contourné la croix de Dieu. Pourquoi Jésus était né dans l'étable? Pourquoi Jésus était né dans l'étable? Jésus est né dans le temple. C'est parce que lors de la naissance de Jésus, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour Jésus. Il est Yesu Zaliwa. Ce matin, est-ce que Jésus réellement a une place dans ton cœur? Et y'a kika, Yesu qu'on a fasi mon moyo wako. Si Jésus-Christ était né dans le temple, kama Yesu Kristo alizaliwa muzizi, c'est parce qu'il n'y avait pas de place. Kwani akukwe fasi. Lorsque sa naissance était arrivée, wakati kusalika kwa il n'y avait pas de place pour lui. Akukwe fazi juu yake. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas aussi à l'adoption. Na leo atufike. C'est parce que nous avons affaire à des religieux. Wani, tukuna batu ya kidini. Des gens qui professent batu, la chrétienté, mais qui ne sont pas chrétiens. Banataya kwamba ni bakristo, lakini abana bakristo. Des gens qui vont à l'église. Batu banendo kanisa. Des gens qui écoutent la véritable parole de Dieu. Banasikia neno la Mungu la kweli. Mais dont Jésus n'a pas de place dans leur cœur. Alakini Yesu Kristo ana nafasi mu moyo yabo. Est-ce que Jésus a une place dans ton cœur, mon frère? Eti Yesu eko nafasi mu moyo yako ndugu yangu? Est-ce que Jésus a une place dans ton cœur, ma soeur? Eti dada, Yesu eko nafasi mu moyo wako? Si Jésus n'a pas de place, kama Yesu ana nafasi, donne-lui une place. Umupatie basi fazi. Donne-lui une place. Umupatie fazi. Tu verras que tout va changer. Utaona ya kwamba yote tabadilika. Pale ulishindwa, il te rendra capable. Atakufanya kuwa na uwezo. Là où tu n'as pas réussi, il va te donner la réussite. Atakupatia uwezo. Donne une place à Jésus. Umupatie Yesu fazi. Amen. Amina. Quand Marie devait enfanter, wakati Marie alipashe kuzaa, il était avec Joseph. Alikuwa pamoja na Yusufu. Ils sont allés dans toutes les hôtelleries. Balienda mu manyumba yote ya kupokea bakeni. Ils arrivent ici, ils toquent. Wanafika hapa, wanafika hodi. On ouvre. Bana bafunguri. On regarde. Bana bangalia. On trouve une femme qui est en train de pleurer. Banaona mwanamke analia maumivu. Et c'était une prima part. Eh, alikuwa ni kuzala kwake kwa kwanza. Joseph ne connaissait rien. Yusuf a sikujue kitu. De ce qui se passe. Ya ile nafanikaka. Humainement parlant, c'est inconcevable. Mubumuntu tu hakuna namna kuielewa. Quelqu'un qui est dans les douleurs de l'enfant. Mwanamke aliyeko na maumivu ya kuzaa. Et quand vous la regardez, c'est une jeune fille. Ukimwangalia ni binti. Qui est pratiquement c'est sa première fois. Pourquoi ne pas lui donner une place pour qu'elle puisse enfanter? Nous pouvons réellement peut-être passer, mais c'est ce qui se passe. Ce qui se passe même à l'égard de la parole que nous écoutons. Jésus, quand on a toqué, Jésus quand il est né, wakati Yesu alizaliwa, il n'y avait même personne. Akukwe mutu. Mais toi quand tu es né, peut-être, wakati we ulizaliwa sa zingine, il y a des gens qui avaient chanté. Pourquoi bantu barimba? Peut-être on a fait des cortèges. Sa zingine barifanya musululu ya bantu. Mais Jésus quand il était, alakini Yesu ye wakati alizaliwa, lui qui est venu pour racheter, ye alikuwa Dieu kununua kukomboa. Il n'y avait pas de place. Akukwe fazi. Il n'y avait pas de cantique. Akukwe mimbo. Ainsi Dieu a envoyé les anges. Et vivasi Mungu alituma ba malaika. Et les anges ont chanté. Na ba malaika balimba. Et les gens ne savaient même pas ce qui s'était passé. Na bato ba kujua ni nini ilifanyika. Aujourd'hui mes frères et sœurs. Leo hii bantu kuna badada. On a beaucoup de difficultés. Tunakuwa na magumu mingi. Parce que Jésus-Christ n'a pas de place. Wani Yesu Kristo ana nafasi. Nous devenons enfants d'adoption. C'est par Jésus. Tunakuwa watoto wenye kuitiwa bana ni kupitia Yesu. Mais maintenant si Jésus n'a pas de place. Sasa kama Yesu ana nafasi. Comment tu peux arriver à l'adoption? Sasa utafika namna gani ukimwa ya kuitiwa mwana? Il nous a prédestiné dans son amour. Alitangulia kututayarisha mu mapendo yake. À être ses enfants d'adoption. Tupate kuwa batoto, benyo kubaliwa. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Si Jésus-Christ. Basi, kama Yesu Kristo. N'a pas de place. Ana nafasi. Dans ton cœur. Mumoyo wako. Dans ta vie. Mumaisha yako. Jésus-Christ n'a pas de place. Yesu Kristo ana nafasi. Peut-être même dans ton foyer. Kazingina ata mungu. Peut-être même dans ta maison. Kazingina ata mungu nyumba yako. Jésus n'a pas de place. Yesu ana nafasi. Comment est-ce que tu peux arriver à lui être agréable? Tu as fait comme qui m'a gagné à kumupendeza? Si je regarde bien dans ta maison, nikiangalia mzuri munyumba yako, le congélateur a une place. Congélateur kuna fazi. Ton lit a une place. Kitanda yako kuna fazi. Ta photo a une place. Photo yako kuna fazi. Quand on déplace même cette photo-là, tu t'énerves. Bah qui t'inquiète, t'as les photos ou t'as sirika. Quand on déplace même le congélateur de la place où tu as mis ça, bah, tu vas t'énerver. Bah qui t'inquiète, le congélateur, papa Zuriwe, quand t'as sirika. Tu vas même frapper les enfants. On a les coupiques à ta wadoto. Mais ce matin, je te pose la question. Ça, asubuyale on a coulé dans le zoo. Jésus-Christ a une place dans ta maison. Et si Jésus-Christ est qu'on a fasi mon nyumba yako? Est-ce que Jésus-Christ a une place dans ta vie? Et si Jésus-Christ est qu'on a fasi mon manger yako? Est-ce que Jésus-Christ a une place dans le travail que tu fais? Eti, Jésus-Christ, est-ce qu'on a quasi mon quasi non? Pourquoi les choses ne marchent pas? Comment la vie toi vient de que? Ça ne marche pas parce que Jésus n'a pas de place. A vient de que quandi Jésus n'a pas fait. Même dans le travail que tu fais. Ah, t'as mon quasi quoi faire? Ça ne marche pas parce que Jésus n'a pas de place. A vient de que tu Jésus-Christ n'a pas fait. Je dis, Jésus, celui qui veille sur une ville. Oula na kesha yule mouti. Quand l'Éternel veille avec lui, il a wamile lo kesha na ye. Ana kesha mo bule. Je vous dis ce matin. Jésus. mon frère, Jésus va garantir votre vie. Yesu ataleta kikisho maisha yako. Ataka mabara kubadilisha votre vie. Yesu atahakikisha maisha yako. Même quand il devait partir. Ataka marpachi kuenda. Il avait fait une prière sacerdotale. Aliomba maombi akikuani. Il a demandé à Dieu. Alimuomba Mungu. Quand j'ai fait sur la terre. Wakati nalikuwa pa dunia. Je l'ai gardé. Naliba chunga. Mais maintenant, comme je vais partir, je te demande, je te demande, accepte de les garder en mon nom. Garde-les dans le nom de Jésus. Garde-les dans le nom de Jésus. Garde-les à mon nom. Est-ce que Jésus a une place, mon Dieu? Dans ta vie, dans ton cœur, est-ce que Jésus a une place? Est-ce que Jésus a une place? Ma soeur, est-ce que Jésus a une place? Si Jésus est qu'on a pas dit. Si Jésus a une place. Kama Yesu eko nafasi. Là où ça ne va pas. Para biendeke. Ça va clignoter. Bina pasi kuwaka na kusema. Tu n'auras pas la conscience tranquille. Awezi kuwa na salama. Tu n'auras pas la conscience tranquille. Saliri awezi kuwa na salama. Ça va clignoter. Itaanza kuwaka na kusema. Tu vas mettre la chose en ordre. Ufika na pale utatengeneza vitu. Mais aujourd'hui. Sasa leo. On a affaire à des croyants indifférents. Tuku na waaminifu bashipo kushituka. Indifférent. Sur tous les plans. Même en rapport avec notre marche. Nous sommes réellement indifférents. On s'absente à l'église. Mais on ne s'inquiète pas. Dans le temps. S'absenter de l'église. S'absenter de l'église. Les portes étaient fermées. Les portes étaient encore fermées. Ma milango ilikuwa ingaliki yekufunga. Mais vous allez trouver les frères et les sœurs à l'extérieur. Utakuta banduku na badada weko na chunga inje. Ils sont en train d'attendre. Weko na chunga. Que le diacre puisse ouvrir les portes de l'église. Shemashi apate fungula milango ya kanisa. Afin qu'on puisse entrer. Ili bapate kuingia. Mais aujourd'hui les choses ont changé. Sasa leo bitu vinabadilika. Les portes s'ouvrent. Milango inafunguka. Mais on doit attendre. Inapati kuchunga mbele. Et on vient à l'église. On n'a même pas le temps d'adorer. On n'a même pas le temps de prier. Où voulons-nous écouter? Essayez de voir. Mes frères et sœurs. Jésus n'a plus de place. Yesu anatena nafasi. C'est l'argent qui a la place. Ni feza ndio kuna fazi. C'est l'orgueil qui a la place. Kiburi ndio kuna fazi. N'est-ce pas? Nous cherchons le matériel. À quoi te servira ma soeur? De gagner le monde entier. Si tu arrives à perdre ton âme. Aujourd'hui tu deviens déformé. Tu as perdu ta forme. C'est parce que Jésus n'a plus de place dans ton cœur. Jésus n'a plus de place dans ta vie. Jésus n'a plus de place. On est indifférent de lui. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Enfant d'adoption par Jésus. Batoto venye kuitiwa bana kupitia Yesu. Ne le contournez pas. Mushiende pembeni yake. Le diable est religieux. Shetani ni wakidini. Il est religieux parce qu'il a contourné la croix. Eko wakidini kwani alienda pembeni ya msalaba. Ne contournez pas la croix. Mweye mshende pembeni ya msalaba. Passez par la croix. Mupitie paka pa msalaba. Ne contournez pas la croix. Mshende pembeni ya msalaba. Passez par la croix. Mupitie pa msalaba. Si tu passes par la croix. Kama ukipitia pa msalaba. C'est lui que Dieu nous a envoyé. Ule Mungu alitutumia. Jésus Christ. Il va te sauver. Atakuokoa. Il va te délivrer. Atakukomboa. Tu ne seras pas ce que tu es. Lui seul peut te délivrer. Lui seul peut te sauver. Lui ne sauve pas. C'est que tu fais de l'hypocrisie. C'est pourquoi Léo. Aujourd'hui. Aya Moukris soigné qu'on n'en est qu'un aïko n'angouka facilement. L'état de chrétienté qui se manifeste tombe facilement. Vous allez regarder quelqu'un en disant que c'est Ninduku Akweli. Mais s'il y a des petites secousses, s'il y a une petite épreuve, Kenya manifeste. Il est Kenya qui va manifester. C'est différent de ce qu'il a toujours manifesté. Et on commence à se demander, est-ce que Joe ou le frère? C'est ce même frère-là. Est-ce que c'est la même sœur-là? Oui. Joe, il était passé, il avait contourné la croix. Il ne contournait pas la croix. Jésus Christ va vous délivrer. Jésus Christ va vous renouveler. Jésus Christ va vous faire. Et tu l'as mis de ville. Galates. Wa Galatia. Galates chapitre 4. Wa Galatia sura yake ya 4. Galates chapitre 4. Wa Galatia sura ya 4. Il nous a dit ceci. Banatambia hivi. Verset 4. Mstari ya 4. Mais lorsque le temps a été accompli, wakati pale lifika, Dieu, Mungu, a envoyé son fils. Alituma mwana wake, né d'une femme. Mwenye zaliwa na mwanamke, né sous la loi. Mwenye zaliwa chini ya sheria. Afin qu'il rachète. Il a pas de kukomboa, kununua. Pas afin qu'il racheta. Il a pas de kukomboa. Pas. Apana juu apate kukomboa. Pas afin qu'il racheta. Pas afin qu'il racheta. Il a pas de kukomboa. Apana. Abandike kusema. Ah, on a pas dit. Apate kukomboa. On a pas dit qu'il puisse racheter. Akomboe. Mais qu'il rachète. Qu'il rachète. Apate kukomboa. Donc c'est une action présente. Manake ni tendo ya apasasa. Présent. Na inabakia apase apasasa. Lorsque le temps est accompli. Wakati pale rifika. Dieu a envoyé son fils. Mungu alituma mwana wake. Né d'une femme. Mwenye zaliwa na mwanamke. Né sous la loi. Mwenye zaliwa chini ya sheria. Afin qu'il rachète. Ili apate kukomboa. Ceux qui étaient sous la loi. Bale barukwa chini ya sheria. Afin que nous recevions l'adoption. Ili tupate kupokea kuitiwa sawa bana. Afin que nous recevions l'adoption. Ili tupate kupokea kuitiwa bana. Tu as été racheté. Ulikombolewa. Pour recevoir. Tu as kupokea l'adoption. Kukubaliwa sawa mwana. Eti asubuhi ya leo. Dieu t'a déjà adopté. Mungu anesho kukubali sawa mwana. Est-ce que ce matin ma soeur? Asubuhi ya leo dada yangu. Dieu t'a déjà adopté. Eti Mungu anesho kukubali sawa mwana. Ceux qui sont adoptés. Bale benye kukubaliwa sawa bana. Ceux-là que. Ni bale. Dieu avait connu. Bale Mungu alitangulia kakuchua. Avant la fondation du monde. Bele ya msingi ya dunia kuwako. Et il les a prédestinés. Na alitangulia kubatayisha. Ceux qui sont adoptés. Bale benye kubaliwa sabana. Ceux qui sont arrivés. Ni bale barifika. A être semblable. Mkufuanana. A l'image de Jésus Christ. Na picha ya Yesu Christo. C'est ça. Jovile. Ceux qui sont adoptés ou ceux qui doivent être adoptés. Bale banapati ukubaliwa sawa bana. Aujourd'hui. Léo. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans la dispensation de l'adoption? Eti, muna etike ya kwamba tuku kipande ya kukubaliwa sawa bana. Je vais entendre votre amen. Nina penda nisikie maami na yenu. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans la dispensation de l'adoption? Muna amini ya kwamba tuku mukipande ya kukubaliwa sawa bana. Nous avons lu cela. Tunaisoma hapa sasa. On avait lu. Tuliisoma. Nous sommes dans l'adoption, dans la dispensation de l'adoption. Tukumu wakati ya kukubaliwa sawa bana. Aujourd'hui mon frère. Leo hii ndugu yangu. Ne viens pas à l'église seulement pour le plaisir de venir. Ushikwe tu kanisa sawa zoezo. Viens à l'église avec l'objectif d'être adopté par Dieu. Ukwe ku kanisa na kifuguziwa kya kukubaliwa sawa mwana kwa Mungu. Écoute pas la parole de Dieu. Usisikie neno la Mungu. Pour le plaisir de l'écouter. Tu ya furaha kusikia bure. Écoute la parole de Dieu. Usisikie neno la Mungu. Avec le désir. Nania. Que tu sois adopté par Dieu. Ya kwamba Mungu akukubali sawa mwana. Et l'enlèvement. Na kunyanyuliwa. C'est pour ceux qui sont adoptés aujourd'hui. Liaba le menye kukubaliwa sawa bana leo. Je te pose maintenant la question. Sasa mina kuuliza ulizo. Est-ce que tu es déjà adopté? Eti weye banesha kukubali sawa mwana? Romain. Warumi. Verset 28. Warumi sura 28. Nous savons du reste. Munane 28. Tunajua kwa ile nabaki. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ya kwamba vitu vyote vikuwako juu ya bizuri ya bale wanampenda Mungu. Toutes choses concourent. Bitu biote bikunatumika kwa ajili ya bizuri ya bale wanampenda Mungu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ya bale wenye kuitiwa kufatana na kusudi lake. Ceux qui sont appelés selon l'objectif de Dieu. Benye kuitiwa kufatana kifukuzio ya Mungu. Ceux qui sont appelés selon le but de Dieu. Benye kuitiwa kufatana kifukuzio ya Mungu. Nous sommes sur la terre pour l'objectif divin. Tuko hapa pa dunia juu ya kifukuzio ya Mungu. Et Dieu nous a appelés. Na Mungu alituita. Pour que nous puissions arriver à cet objectif. Ili tupate kufikia kuile kifukuzio. Et l'objectif de Dieu. Na kifukuzio ya Mungu. Pour chaque élu de Dieu. Juu ya kila mteule wa Mungu. Et que tu puisses arriver à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Ya kwamba pate kufika kukimo ya kufanana na picha ya Yesu Kristo. Ceux qui l'ont connu d'avance. Bali alitangulia kujua. Il les a aussi prédestinés. Alitangulia tena kubatayarisha. À être semblable. Ya ili wapate kufanana à l'image de son fils. Na picha ya mwana wake. Arriver à être semblable. Kufika mukimo ya kufanana. Lisons. Tout sommet. Dans la prédication. Mumaubiri. Parole d'éclaircissement. Neno ya kuangaziwa. Sur avoir l'esprit d'adoption. Yulu ya kupokea roho ya kukubaliwa sawa mwana. Et être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Na kujaziwa wala kubatisiwa na roho mtakatifu. Du 3 mars 1991. Ya 3 mars 1991. Page 6. Cartasia Sita. Je lis. Nikuna Soma. Si l'église. Kama Kanisa. Si les enfants de Dieu. Kama watoto wa Mungu. Ne connaissent pas à quoi Dieu les a destinés. Awajue ni jua ni kunini kule Mungu alibatayarisha wafikie. Ils ne travailleront jamais pour arriver à cette destination. Abawezi kama kutumika juu ya kufika kuile kifukuzio. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Atuna batu ya zebu. Nous sommes sortis du monde. Tulitoka mudunia. Nous sommes sortis des dénominations. Tulitoka mumazebu. Nous sommes sortis de nos familles. Tulitoka majama yetu. Avec un objectif. Ni na kifukuzio kimoja. Et l'objectif pour lequel nous sommes sortis. Kifukuzio kinyia kile tulitokea. C'est que Dieu puisse nous adopter. Ni ya kwamba Mungu apate kutukubali sawa bana. Nous agréer. Mungu apate kutukubali. Et l'enlèvement. Na kunyanyuliwa. Je le répète encore. Na isema tena. L'enlèvement c'est pour ceux qui sont adoptés aujourd'hui. Et nous travaillons pour notre adoption. L'homme de Dieu nous dit ceci. Page 6. Carte 6. Nous avons dit ceci. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons droit que le Seigneur aille encore de l'avant avec nous. Ya kwamba Bwana Mungu apate kuenda tena kumbele pamoja nasi. Que nous fassions l'expérience d'une croissance spirituelle. Ili tupate kufanya onjo ya kukomanda mukiro. Que nous atteignions. Tupate kufikia l'état majeur. Wali ya bumuntu mkubwa. En tant que fils et fille de Dieu. Sabatoto banamuke na banaume ya Mungu. Que nous soyons établis. Tupate kuwekwa sawa bana. Comprenez-vous cela? Eti munaelewa vile? Église, est-ce que vous comprenez ça? Eti kanisa munaelewa? Je répète. Na isema tena. En tant qu'enfant. Sawa batoto. Nous avons droit que le Seigneur aille encore de l'avant avec nous. Que nous fassions l'expérience d'une croissance spirituelle. N'ayez pas une grosse tête pour avoir la connaissance, sans avoir la vie qui est relative à la connaissance que vous avez. Mushikwe na bicha munene jua kwa tuna ufamu bila kuwa na maisha ya neno. Quand nous étions dérégardés, wakati tunangalia, le constat est amer. Ni bia uchungu, le constat est amer. Ni vile tunaona vya uchungu. Parce qu'il y a l'immaturité. Wani huku mtoto kwa mingi. Et là où il y a l'immaturité, il n'y aura pas l'adoption. Pale peko mtoto hapana kukubaliwa. C'est ça la vérité. Accepter ou pas ni kweli. Kama kuna kulia sauti ya Mungu. Si tu manges la parole de Dieu. Kuna pasha kukomala. Si tu dois craquer. Kama kuna kwako kuna pasha kuonekana. Et tu ça ça sera manifesto. Tu dois pasha kuangalia sana huyu dada. Ni mwenye kukomea. Cette sera grandi. On a beaucoup de difficultés. Tukuna magumu mingi. Parce qu'il n'y a pas de croissance. Kwani hakuna kukomala. Il n'y a pas de croissance. Hakuna kukomea. L'immaturité spirituelle. Kukosa kukomea kwa mukiro. Bakuseme kimoko. Dès qu'on te reproche un peu. Il y a des frères qui quittent l'église parce que le pasteur les a réprimandés. Kuku bandugu bewe onacha kanisa ju pastori ari mukemea. Est-ce que... Tout n'a pas coûté ça, tout n'a pas mis chez ou bien c'est quoi? Nous venons jouer ou c'est quoi? Ni. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Kamakuki toi qui endeke. Le pasteur avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Pastori, il a le devoir et les droits de te réprimander. Même publiquement. Et si tu es de Dieu, tu vas accepter la réprimande. Kamakou a mungu ta kiki ya makemeo. Parce que on vous a réprimandé de la part du Seigneur. Il n'y a même pas à espérer. Est-ce que c'est ton roman tu as pasteur chez? Nous sommes devenus les sujets des pasteurs. Oui. Dio. Quand tu appelles quelqu'un, wakati mungu anaita mutu. Je connais même son caractère. Anajua tatabia yake. J'aime la rigueur de votre pasteur. Ninapendaka ukali ya pasteur. Cette rigueur. Hi ukali yake. Ça permet mungu aliua. Dio le savait que mukambo. Si ya kambo. Il a voyu mutu moya eko na rigueur ile yale kaka. Donc quelqu'un qui a la rigueur. Pour que les choses puissent marcher. Ya bintu binyoloke. Et si vous êtes dans le plan de Dieu, vous accepterez. Comme on a dit, le choix de Dieu. Et quand vous acceptez le choix de Dieu, l'homme va vous amener jusqu'à votre destination. Mais là, on trouve un mitien sur mon mamboyant. Aujourd'hui, on s'amuse dans la parole de Dieu. On vous donne une conduite. Kuhubiri ni kitu kingine. Prêcher c'est autre chose. Kuongoza nayo ni kitu kingine. Diriger ou conduire c'est autre chose. Vous avez beaucoup de difficultés parfois. Vous n'acceptez pas la conduite qu'on vous donne. Par votre verger. Par vos conducteurs. De la part du Saint-Esprit. Kuhubiri ni kitu kingine. Prêcher c'est autre chose. Mimi kuna hubiri. Mais je ne vais pas vous conduire. Je suis un itinérant. Mais Dieu vous a donné quelqu'un qui doit vous conduire. Même en rapport avec vos problèmes qui ont tendance pratiquement à attaquer votre âme. Il y a quelqu'un que Dieu vous a donné qui doit vous conduire pour que vous ne vous tombez dans le piège. Dieu vous a donné quelqu'un. Il y a un homme qui était aveugle. Il avait appris que Jésus guérit. Et il est allé auprès de Jésus. Pour la guérison. Jésus lui a regardé. Jésus ne lui a pas imposé. Jésus a pris les salives. Il mélange avec la terre. Na poto poto. C'est écrit où? Et puis il applique ça sur les yeux. Akampaka na yo macho. Et il dit à la personne. Akamwambia ule mtu. Va te laver. Wende sasa unawe. Et la personne. Na ule mtu. Il obéit. Aliti. Il est parti. Alienda. Et quand il est allé, il se lave. Wakati alienda na kunawa. À l'instant même. Pale pale. À l'instant même. Pale pale tout. Macho na fanini. Les yeux se sont. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se terminer par la prière. Il y a certaines choses qui terminent par la conduite. Je vous dis la vérité. Même si vous les refusez, na kwambia ukweli. Naman était malade, n'est-ce pas? Naman était malade. Il était malade. Il est allé auprès de Arienda. Elisée. Il pensait que Elisée doit lui. Mais Elisée ne l'a même pas regardé. Elisha si kumwangari. Élisée a dit à Gehazi, dis oui. Elisha a demandé à Gehazi, qu'il puisse aller se jeter dans le Jourdain. Cette fois, Marasaba. Alors qu'il y avait beaucoup des eaux propres. Il y a le fleuve de Dama qui était très propre. Mais l'homme de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, pour la guérison de Naman, en rapport avec sa lèpre, qui était une maladie incurable, Dieu dit à travers Élisée, dit à Naman qu'il puisse aller se jeter dans le fleuve, cette fois. Ne pas faire cela, c'est pratiquement travailler contre sa guérison. Cette fois. Marasaba. Quand il trois fois. Si c'était plongé dans l'eau trois fois, il ne devait pas y avoir la guérison. Il fallait cette fois. Il fallait faire Marasaba. C'est la conduite. Niongozi. Prêcher en est une autre chose. Conduire en est une autre. C'est autre chose. Si vous savez que Dieu vous a donné quelqu'un qui doit vous conduire, vous allez le respecter, vous l'écouterez, vous prierez pour lui, vous le soutiendrez. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça les affaires de Dieu. On ne peut pas les dire autrement. Et ceux qui sont des dieux, écoute. Je relis. La somatena. Cette étant qu'enfant. Sawa toto. Nous avons droit que le Seigneur aille encore de l'avant tout, avec nous. Tuna rusa, mungu bwana pate kwenda nasi mbele. Que nous fassions l'expérience d'une croissance spirituelle. Tupate kufanya maonjo ya kukomala mukiro. Que nous atteignons l'état majeur. Tu fasses gufika mukimo yabantu bakubwa. En tant que fils et fille de Dieu. Zabatoto banaume na banamuke ya Mungu. Que nous soyons établis. Tu fasses kuwekwa. Comprenez-vous cela? Et tu munaelewa ile? C'est-à-dire, manake établi dans notre héritage. Benye kuwekwa muriti yetu. Comme fils et fille de Dieu. Zabatoto banaume na banamuke ya Mungu. C'est la révélation de l'adoption. C'est la révélation de l'adoption. La révélation de l'adoption. Lorsqu'on te place, vous comprenez l'église originelle. C'est ainsi qu'il est. C'est la révélation de l'adoption. Ni ufunuo ya ukutiwa bana. Non seulement. Apana tu. Que nous soyons. Tu pate kuwa. Fils et filles. Batoto bana mukina bana mu ya Mungu. Mais. Alakini. Que nous soyons révélés. Tu pate kufunuliwa. Que nous soyons révélés. Tu pate kuonekana. Comme cela est dit dans Romains 8, 19. Je suis en train de lire. C'est l'objectif pour lequel nous écoutons la parole. C'est l'objectif pour lequel nous venons à l'église. C'est l'objectif de tous les efforts que nous faisons. Nous n'avons pas de couilles chez Mukambo. Nous devons vivre à Kambo. Nous n'avons pas de couilles chez Mukambo. Les gens doivent nous regarder en disant, ceux-ci sont les enfants de Dieu. Enoch. Natena. Enoch. Enoch. Pour être enlevé, Dieu a il devrait avoir avant son enlèvement un témoignage agréable. Les hommes devraient témoigner. Dieu aussi devrait confirmer le témoignage. Les hommes doivent témoigner. Témoigner pour ta vie. Et Dieu doit confirmer ce témoignage. Quand la vie n'a encore, il n'y a pas d'enlèvement. Si n'en est pas ainsi, on va se accepter. C'est ainsi, Jomuinamuna, qu'il en était avec notre Seigneur. Jomuinamuna ilikuwa na Bwana wetu. Il est né de l'Esprit. Alizaliwa kwa Roho. Il est né de l'esprit. Alizaliwa kwa roho. Alors, basi, il devrait être établi. Alipashi kuwekwa. Il a été rempli. Alijaziwa de puissance de l'esprit. Na uwezo ya roho. Pour commencer son ministère. Jia kwanza kazi yake utuma wake. C'est la même chose avec nous. Iko hivyo hivyo na sisi. C'est la même chose avec nous. Iko hivyo hivyo nasi. Par la nouvelle naissance, kupitia kuzaliwa mara ya pili, nous sommes également devenus fils et filles de Dieu. Na sisi tunakuwa watoto ya Mungu. Par le déversement du Saint-Esprit, kupitia kupunguziwa na Roho Mtakatifu, nous sommes baptisés. Tunabatiziwa. Et placés dans le corps de Christ. Kuwekwa mwili ya Kristo. Pour accomplir notre devoir. Na kutimiza mapacha yetu. Dans le service d'origine divine. Kazi ya kimungu. Yoyote akifike kwa hii point. Ataweza kushimama mu mambo ya Mungu. Quiconque n'arrive pas à ce point ne peut pas se tenir dans la parole de Dieu. Ferme. Atamukaisha Mungu utashimama. Même dans l'œuvre de Dieu, tu ne seras pas ferme. Il continue dit. Anendelea na kusema. Page 7. Kartasi ya saba. Je veux encore une fois. Napenda tena mara ingine. Relever ce point. Kuonesha hii nukta. Je suis en train de parler de l'adoption. Nous vivons à l'aube du retour de Jésus-Christ. Et je n'en parle pas comme un enseignement. Je prêche seulement. Nous oubiri tout. Afin que la conscience des élus soit réveillée. Et que vous puissiez comprendre comment nous devons maintenant travailler pour arriver à l'adoption. Nous travaillons pour notre salut. Nous ne comptons pas le salut. Nous travaillons pour notre salut. Et nous devons être des frères et sœurs qui travaillent pour leur salut. Et quand vous travaillez pour votre salut, vous donnez l'importance au sacrifice de Jésus-Christ. Tu voles, tu continues à voler. Et tu viens toujours à l'église. Tu commets adultère, tu entres ici à l'adultère. Tu continues à venir à l'église. Tu es en train de perdre ton temps. Je veux encore une fois. Napenda mara ingine. Relever ce point. Kuonesha inukta. Il n'est pas écrit que. Avaandike ya kwamba celui qui n'a pas le Saint-Esprit ou celui qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit ne lui appartient pas. Wasipokuwa na Roho Mtakatifu, wasipokuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, hana wake. Non, hapana avaandike vile. Mais il est plutôt écrit. Alakini variandika ya kwamba celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, wasipokuwa na Roho ya Kristo, ne lui appartient pas. Hana wake. Hakuna mtoto wa Mungu ule ashina na Roho ya Mungu. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Na ule kuna roho ya Mungu, ule kwa mtoto wa Mungu. Celui qui est enfant de Dieu, mais frère et sœur, bandu kuna badad. L'enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, qui est connecté à ce que l'Esprit est en train de faire aujourd'hui. Wewe kuunganishwa na kile roho kuna fanya leo. Il manifestera ce que Dieu a dit. Ataonesha kile Mungu alisema. Mais aujourd'hui, leo, si nous voyons l'état que nous avons, tukiangalia hali ile tukunayo, ya ensarva pa. Nous allons contourner la croix. Nous sommes devenus des religieux. Dieu n'a pas besoin de religieux. Soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens. Soyez des fils de Dieu. Soyez des fils de Dieu. Tout homme, je continue à lire. Mutu wote naendelea kusoma. Tout homme qui a été racheté par Dieu. Mutu wote ulikombolewa na Mungu. Et qui a été réconcilié avec Dieu en Christ. Na ulipatanishwa na Mungu kupitia Kristo. Est-ce que vous êtes là? Et tu mkupale? Reçois la nouvelle vie de Dieu en tant que fils ou fille de Dieu. Et on a pokea buzima mpya ya Mungu sawa mtoto mwanamke na mwanaume wa Mungu. Il naît. Anazaliwa. Pour une espérance vivante. Et le même esprit d'adoption. Na ile romo ya kuitiwa bana. Qui était en Christ. Il est quoi ndani ya Christo. Vient en lui. Itakuya ndani yake. Pourquoi est-il appelé l'esprit d'adoption. Jua nini wanaita roho ya kuitiwa bana. Parce que. Wani. Il s'agit des fils et des filles de Dieu. Ni mambo ya batoto banamke na banaume ya Mungu. Dans Matthieu 3, mu Matayo sura 3, il est écrit, banaandika ya kwamba, tu es mon fils bien-aimé. Uku mwana wangu mpendwa. Et non, apana, mon bien-aimé rédempteur. Non. Mpendwa wangu mkombozi apana ila vile. Il est écrit, banaandika ya kwamba, tu es mon fils bien-aimé. Uku mwana wangu mpendwa. Amen. Amina. La parole appropriée, neno ya kusaili, a été prononcé. Bali tangaza, tu es mon fils bien-aimé. Uku mwana wangu mpendwa. En qui j'ai trouvé mon plaisir. Dani yake na furaikia. Il s'agit ici apa ni mambo ya de l'adoption. Ya kukubaliwa sawa bana. Sisi sije maamini yenu. C'est dans ta faveur amen. Il s'agit ici apa ni mambo ya de l'adoption. Ya kukubaliwa sawa bana. Est-ce que dans ta vie ce matin? Eti mu maisha yako asubuhi ya leo. Je aussi pendi. Mungu naye anaweza kusema. Je mon fils bien-aimé. Mwana wangu mpendwa. En qui j'ai trouvé plaisir d'habiter. Ndani yako mimi nafurahikia kuikala. Donc, Manak, nous travaillons tukuna tumika, pour que nous puissions être agréables à Dieu. Ili tupate kumpendeza Mungu. Quand Dieu nous regarde, wakati Mungu anatuangalia, de la manière que nous vivons, munamna ile tukunaishi, de la manière que nous agissons, munamna ile tukunatenda, de la manière que nous parlons, munamna ile tunasema, de la manière que nous pensons, munamna tunafikiri, que Dieu puisse dire, Mungu apate kusema, tu es ma fille bien-aimée, Mungu binti wangu mpendwa, j'ai trouvé plaisir, ndani yako mimi nafurahikia. Dieu doit trouver son bon plaisir dans tout ce qu'on est en train de faire. Manake Mungu anapasha kufurahikia mu vile vyote tunafanya. Dieu doit trouver son bon plaisir dans notre vie que nous vivons. Mungu anapasha kufurahikia mu maisha yetu tukunaishi muhimu hivi. Dieu doit trouver son bon plaisir. Mungu anapasha kufurahikia. Quand Dieu trouve son bon plaisir. Wakati Mungu anafurahikia. Là il va te sceller. Pale atakutia mwili. Là il va t'adopter. Atakukubalisha mwana. Et là tu vas dire. Na pale atasema. Je suis en train d'entendre le retour de Jésus. Utasema kwamba niko na chunga kurudi kwa Kristo. Si pasa. Kama haina vile. Ma soeur, tu n'es pas encore prêt. Dada yangu huyu yako tayari. Si pasa. Kama haina mo. Mon frère, tu n'es pas encore prêt. Ndugu yangu huyu yako tayari. Jusque là, kufika na pale. Qui a compris? Nani ula naelewa? Parlons maintenant de ce qui nous concerne. Sasa tuseme kwa ile na tuelekea. Comment est-ce que tu vas arriver à l'adoption? Utafika je kukubaliwa sawa mwana? Mes frères et sœurs, banduku na badada, maintenez toujours votre âme dans la présence de Dieu. Mushike kila mara nafsi yenu muwepo wa Mungu. Frère, quel que soit le travail que vous faites. Nduku aizuru kazi ile unatumika. Votre pasteur était vraiment très inquiet. Pastor wenu alikuwa na huzuni sana. Il ne cesse de me répéter, n'est-ce pas révérend? Achache kuniambia. Donc je sens que écho vraiment na bougiton. Nasikia kwamba il est surchargé. Il a la charge avec lui. Il y a beaucoup de frères qui sont retenus kwa mashamba. Bantu mingi bana shikwa mungu. Donc niko na shiki. Donc il ne fait que me répéter ça. Eko paka naniambia ile. Donc écho na bougiton ya il a vraiment la charge de vos âmes sur lui. Dans tous les programmes que vous faites, mumapuyote le bunafanya. Prenez, programmez votre journée en rapport aussi avec les programmes du culte. Utarishe upange kufuatana na siku ya ibada, upange kazi yako kufuatana na wakati ya ibada. Upate kuchunga manafsi yenu en présence ya Mungu. Gardez continuellement vos âmes dans la présence de Dieu. Éloigner de la présence de Dieu, c'est la mort. Kwenda mbali na uwepo wa Mungu ni lufu. C'est comme un poisson. Niku sawa samaki. Qu'on retire de l'eau. Ule banatosha mu maji. Et on demande à ce poisson là de vivre. Kabana mulomba onde samaki endelee kuishi. Kata kukaluka. Iba sotie. Kisha katakufa. Apre kwa le poisson va mourir. Parce que fonche yake ya kuishi. Parce que son amour. Là où il doit vivre c'est dans l'eau. Yako. Ton âme à toi. Pour qu'il pate kuishi. Pour qu'il tapisse vivre. Il n'a pas de présence ya Mungu. Pour qu'il soit en contact en présence de Dieu. Ne vous témoignez pas de la présence de Dieu. ushende nje ya uwepo wa Mungu. Amen. Amina. C'est comme un arbre. Ni kusawa muti. Kondete. Ile banatukunya. Et puis on demande à cet arbre de vivre. Kisha baombe ile muti yendele kuishi. Cet arbre ne vivra pas. Ile muti aisha. Cet arbre sera séché. Ile muti takauka. Comme on fait. Ipo hivyo na wewe. Wakati umeenda mbali. Na uwepo wa Mungu. Utakauka. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Le temps est critique. Wakati mbaya. Le temps est mauvais. Wakati inakuwa mbaya. Notre consolation. Faraja yetu. C'est dans la présence de Dieu. Iko ndani ya uwepo wa Mungu. Si David avait dit. Kama Daudi alisema. Je suis dans la joie. Niko katika furaha. Kama David. Wakati wananiambia. Alors la maison de l'Éternel. Kwenye nyumba ya milele. Na wewe. Tu dois être dans la joie. Unabashi kuwa na wewe mfuraha. Un jour, siku moja, dans la présence de Dieu, uwepo wa Mungu, vont plus que mille jours ailleurs. Inashindia miaka elfu inje. Mon frère, ma soeur, le monde ne te donnera jamais le salut. Dunia yaezi kupatia wokovu. Le monde ne te donnera jamais la délivrance. Dunia yaezi kupatia wokovu. Le monde ne te donnera jamais le baptême du Saint-Esprit. Dunia yaezi kupatia kama ubatizo. C'est dans la présence de Dieu que tu peux expérimenter la véritable délivrance. Jomulo taonja ukombozi ya kweli. C'est dans la présence de Dieu, que tu peux expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand vous vous éloignez, c'est le diable qui vous éloigne. Revenez à la parole de Dieu. Urudie kuneno la Mungu. Amen. Amina. Ata utenda kumashamba. Même si tu veux aller au champ, fanya programme yako. Fais ton programme. En tenant compte de l'heure du culte. Mukwangalia na wakati ya kwenda ibada. Même si tu travailles dans une entreprise, Dieu dit, quand il a créé les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Nous tous nous travaillons d'une façon ou d'une autre. Mais moi j'ai toujours eu une expérience. Alakini mimi niko na onjo. Diak, j'en ai toujours parlé. Mimi naisemea kila mara ina file. Même avec les blancs avec qui je travaille. Atana bazungu wenyewe mimi natumika nabo. Sans que je leur dise, bila miku bambia, ils finissent par toujours par dire pasteur. Bo wenyewe kumwisha bananiambia sema pastori. Et quand on est dans des réunions, on est dans le travail, c'est eux qui ont toujours veillé sur la montre. Wakati tukunabo mami kusaniko ni bonjo wanangalia ka passa. Vous allez voir, arrivé à 15h, pasteur, pasteur, tu ne veux pas aller à l'église. A autant d'okanita. Le temps. Wakati nenea. Le temps. Wakati nenea. Et quand ils font même un programme de réunion, banatarisha tama mikusaniko, ils tiennent compte de mon programme. Banangalia kuna mapu yangu kwenda kanisa. Quand je ne suis pas là, wakati china on est peut-être 15h, 16h. Kazi nina kwa 15h, 16h. Ils m'appellent. Bo wenyewe kuna nita. Kusimu. Ils vont d'abord me poser la question. Wazawaza waniuliza. Est-ce que vous êtes à l'église? Eti, huku ni kanisa? Mungu ashina ashilandaki. Dieu ne ment jamais. Il y a certaines choses qui ne vont pas dans notre vie. Quand Dieu agrée les voies d'un homme, wakati Mungu anakubali njia ya mtu, il dispose en sa faveur. Eko na mtayarisha juu ya faida yake. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na haki yake. Toutes les autres choses. Hivi vitu vingine. Nous serons donnés en plus. Hata miongezea ni aujourd'hui nous avions renversé. Leo tunabadilisha vitu. Il y a le chaos dans ta vie. Joko maana maisha yako. C'est l'essentiel. Tafuta kia mafa. L'essentiel c'est être adopté par Dieu. Kia mafa ni ukubaliwe na mwana na Mungu. C'est être agréé par Dieu. Kia mafa ni Mungu akukubali. Watanda kama Mungu akunafurahi juu ya maisha yako. Si Dieu te réjouit de ta vie. Nani atakushonda na kirole. Kiva te pointe le doigt. Kama shetani anakubamba. Même si le diable te saisit par la chaîne. Je vais entrer en scène. Makuta. L'argent. Mais l'or et l'argent appartiennent à qui? Feza na zabu ni anani. L'or et l'argent appartiennent à qui? Feza na zabu ni anani. Notre Dieu nous dit ceci. Mungu wetu anatuambia hivi. Regardez les oiseaux du ciel. Tazameni bandeke za anga. Ni ne sème ni ne moissonne. Avalime wala mavune. Cependant. Japo. Votre Père Céleste. Baba yenu wa kumbingu. Votre Père Céleste. Baba yenu wa kumbingu. Menuri. Eko na malisha. Et vous, vous. Eti mweye. Vous ne valez pas plus que cet oiseau. Eti amuna na bei kushindia bandeke. Bandeke Mungu aliwaumba juu ya Mungu. Les oiseaux, Dieu les a criés pour l'homme. Si, mais nous, ouais, toi, Mungu alikuumba juu ya Dieu t'a créé pour lui-même. Si tu commences à vivre pour Dieu, Dieu fera tout pour que ça puisse concourir à ton bien. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. John Quelli. Soyez utile. Mukweba mafa. Soyez utile auprès de Dieu. Mukweba mafa mbele ya Mungu. Malari inaweza pia sema ikuye. La maladie peut vouloir s'approcher. Mungu atangalia na sema pana. Je regarderai dira non. Comme il est utile pour moi. Sa vile ni wa mafa kwa. Je vais s'interposer. Mungu atashimama pakati. Pour que la maladie ne puisse pas t'atteindre. Je magonjwa shikuguse. Ne soyez pas utile pour le monde. Ushikwe wa mafa juu ya dunia. Vous serez déçu. Utakosewa. Vous serez déçu. Utakosewa. Mais si vous êtes utile pour Dieu. Lakini kama vous serez mafa, jamais déçu. Ya Mungu hawezi kama ukosewa. Na utapata kaya dada. Tu ne seras jamais couvert de honte ma sœur. Utapata kaya ula muamini. Je jamais ne peux jamais le prendre. Na ula mtu wa Elia. Hakuna mtu anaweza kupata kaya. Personne n'a jamais eu honte à cause d'avoir cru en Dieu. Genèse. Mwanzo. Là où on a lu. Mule tulisoma. Puis Dieu dit. Kisha Mungu akasema. Faisons l'homme à notre image. Tufanye mutu mupicha yetu. Selon notre ressemblance. Apate kufuanana nasi. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Atawale yulu ya samaki ya bahari. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Atawale yulu ya ndeke za anga. Sur le bétail. Na yulu ya banyama. Sur toute la terre. Pa dunia mzima. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Atawale yulu ya banyama bote benye kutambala. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mutu mwa mpicha yake. Il le créa. Akamuumba. À l'image de Dieu. Mupicha ya Mungu. Il créa l'homme. Akaumba mwanaume et la femme. Na mwanamke. Une seule personne. Mutu moja tu. Qui avait été créé. Ula liumbiwa. À l'image, à la ressemblance de Dieu. Mupicha na mfano ya Mungu. C'était Adam. Alikuwa ni Adamu. Toi et moi. Weye na mie. Nous n'étions pas créés. Aba kutuumbe. À l'image, mupicha, nous n'étions pas créés à tout kumbwe, à la ressemblance de Dieu. Wa mufano ya Mungu apana. Toi et moi, we na mimi, nous avions été engendrés, tulizaliwa, à la ressemblance d'Adam. Wa mufano mpicha ya Adamu. Nous avions été engendrés, tulizaliwa, à l'image d'Adam. Mupicha wala mfano ya Adamu. C'est quoi la Bible dit? Je comprends la Bible en asema. Tel est le terrestre. Je vile wa dunia eko. Sa vile wa uyu eko. Sa vile wa dunia eko. Il est. Tel est le terrestre. Tel sont aussi les terrestres. Nan je vile wa dunia beko. Tel est le terrestre. Vile wa du wa mbingu eko. Tel sont aussi les terrestres. Nan je vile wa mbingu beko. N'est-ce pas? Aina vile? Nous connaissons cette écriture. Tu n'as jamais entendu quoi, une ville? Nous sommes engendrés. Tu risaliwa à l'image d'Adam. Mupicha ya Adamu. À la ressemblance d'Adam. Mufano ya Adamu. C'est une ressemblance. Ni mufano. C'est une image que Dieu n'agréera jamais. Ni picha wala ni mufano ile Mungu hawezi kama ukubali. Dieu n'agréera jamais cela. Mungu hawezi kamwe kuikubali. C'est pourquoi je vous ai dit ma sœur. Je comme na mimi niambia dada yangu. Ushikapimake tena kusema. Ne dites jamais. Niye njo vile mine kalaka. C'est comme ça que j'ai toujours été. Kama bien kweli uko mchakulia wa Mungu. C'est vrai tu es un élu de Dieu. Utasema ka ile sauti. Tu ne le diras jamais. Utaanza kukombanisha kile une kalaka. Tu vas combattre ce que tu as toujours été. Utaanza kuya kile Mungu anapenda. Pour que tu deviennes ce que Dieu veut. Frère, ndugu, hapana kusema mie wanaisha kunishindaka. Ne dites jamais moi, je suis. Kama baba yako walikushinda. Mes parents m'ont déjà. Mungu ashashindaka Mungu. Échoué. Dieu n'a jamais échoué quelqu'un. Yo, yo, c'est comme Mungu, Mungu anamubadilisha. Tout celui qui vient à Dieu, Dieu le change. Genèse chapitre 5. Mwanzo sura 5. Voici le livre, verset 1. Tazameni kitabu ya uzao. Voici le livre de la postérité d'Adam. Tazameni kitabu ya uzao ya Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, wakati Mungu alimuumba mtu, il le fit, akamufanya, alimufanyaka à la ressemblance de Dieu. Kwa mfano ya mtu, ya Mungu. Il créa l'homme et la femme. Akamuumba mwanamke na mwanaume. Il les bénit. Akambariki. Il les appela du nom d'homme. Akawaita jina ya binadamu. Lorsqu'ils furent créés. Wakati waliumbwa. Adam. Adamu. Âgé de 130 ans. Na umri ya miaka 130. Engendra. Un fils à sa ressemblance. Alizala mtoto mwanaume kwa mfano wake. Selon son image. Kufuatana na picha yake. Tu es à quelle image? Ukuna picha gani? Tu es à quelle image? Ukumu picha gani? Tu es à l'image d'Adam. Ukumu picha ya Adamu. Tu es à quelle ressemblance? Adam avec l'image. Adamu naye alikuwa na mfano ya nani? Adam avec l'image privée de la gloire de Dieu. Adamu alikuwa na mfano yenye kuzuizwa na utukufu ya Mungu. Oui, dominé. Yeye ule alikuwa na tawala. Il a été dominé. Bali mtawala sasa. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que le péché était entré. Wani zambi lingia. Il a perdu. Alipoteza. Ce que Dieu lui avait donné. Kile Mungu alimpatiaka. Il commençait maintenant à fuir le lion. Ananza sasa kimbia simba. Alors que il parlait au lion. Japa aranza kumwambia simba. Et il appelait le lion. Na alikuwa namuita simba. Et le lion venait. Na simba alikuwa nakuja. Mais comme le péché est entré, c'est là où il était, pour le mettre là où le diable voulait. C'est ça l'état du monde. Jo ali il est kwa ulimwengu. Dunia. C'est ainsi que iya jo kwa mana Dieu Mungu n'a pas croisé les bras. Asikuikale bila kufanya kitu. Dieu a travaillé maintenant. Mungu alitumika sasa. Pour la rédemption de l'homme. Ya ukombozi ya mtu. Afin qu'il ramène l'homme. Il a pas urudisha mtu. À l'image de son fils. Mupicha ya bwana wake. C'est clair. Iko wazi. L'œuvre de la rédemption. Et si tu comme kazi ya ukombozi, tu dois porter. Unapaswa kuchukua. Tu dois mettre aujourd'hui, ça c'est l'éoi, être semblable à l'image de Christ. Vous partez comme moi, vous faites un picture de Christ. Quand je regarde, il voit ça. Wakati Mungu anakuangalia naona ile. Dieu au ciel est dans la joie. Mungu kumbingwe kwa katika furaha. Et Dieu va t'agréer. Na Mungu atakukubali. Ainsi la Bible dit. Hivi Biblia inasema. Jean chapitre 3. Yohane sura 3. Jean chapitre 3. Yohane surake ya 3. On peut commencer par le verset 1. Tuanzia tamusari ya kwanza. Il y a un homme d'entre les pharisiens. Kulikuwa mtu mmoja katikati ya wafarisayo. Nommé Nicodème. Jina lake Nicodème. Un chef des juifs. Mkubwa wa Bayuda. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Ulalikuja mbele ya Yesu usiku. Et lui dit. Na kumwambia. Rabbi, Bwana, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tunajua simu kumwalimu wa kutokeza ile kunafanya. Si Dieu est avec lui. Kama Mungu ana naye. Jésus lui répondit. Yesu akamjibu. En vérité, je te l'ai dit. Kweli nakwambia. Si un homme ne naît de nouveau. Kama mtu asizaliwe mara ya pili. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Hawezi kamwe kuona ufalme wa Mungu. Par ce que kwani tu avais été engendré. Ulizaliwa. Par Adam. Kupitia Adamu. A la ressemblance d'Adam. Kwa mfano ya Adamu. A l'image d'Adam. Picha ya Adamu. Et tout homme né de la femme. Mtoto akizaliwa mwanamke. Dieu a exigé la nouvelle naissance. Na Mungu alilazimisha kuzaliwa mara ya pili. Si un homme. Kama mtu. Nené de nouveau. Achizaliwe mara ya pili. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Hawezi kamwe kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit. Nicodème akamwambia. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Namna kani mtu anawezi kuzaliwa kama anesha komala? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Eti, anawezi kurudia tena mtumbo wa mama yake na kuzaliwa? Jésus répondit. Yesu akamjibu. En vérité, je te le dis. Kweli kweli kweli kweli nakwambia. Fienum nene do et d'esprit. Kwa Mungu. Ce qui est né de la chair est chair. Kenye kuzaliwa kumwili ni mwili. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Na kenye kuzaliwa kuroho. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Kenye kuzaliwa kuroho ni roho. Ce qui est né de la chair est chair. Kenye kuzaliwa kumwili ni mwili. Et ce qui est né de l'esprit est na kenye kuzaliwa kuroho ni mettre à toi. Sasa weye. Tu es né comment? Ulizaliwa namna gani? Ulizaliwa une fois, mara moja. Mourra deux fois. Atakufa mara mbili. Celui qui est né une fois, ulizaliwa mara moja, mourra deux fois. Atakufa mara mbili. Mais celui qui est né deux fois. Alakini ulizaliwa mara mbili, mourra peut-être une fois. Atakufa saa zingine mara moja. Wala hawezi kamwe kufa. C'est vrai. Amen. Amen. Celui qui est né une fois. Oula disalo. Lufu ya mwili. Et la mort de l'âme. Na lufu ya nafsi. Mais celui qui est né deux fois. Alakini ula disalo mara pili. Il peut mourir dans le corps. Anaweza kufa mwili. Son âme ne mourra pas. Alakini nafsi yake haiwezi kamwe kufa. Celui qui est né de la chair. Celui qui est né ku mwili. Est chair. Ni mwili. Et tout ce qui est né de la chair. Wote mwenye uzaliwa ku mwili. N'héritera jamais le royaume de Dieu. Hawezi kamwe kurithi ufalme wa Mungu. Hata unakatala. Meme si tu le refuse. Hata kama uko mrembo. Hata kama uko na pesa mingi. Hata kama una manyumba mingi. Hawezi kamwe kukubali. Mbele ya Mungu. Devant Dieu. Hawachane na nyama. Tu n'es pas différent d'un animal. C'est quoi il est écrit dans la Bible? Comment on a indiqué en Biblia? Homme, mutu, animal, mutu nyama, mutu nyama, homme animal. Yule mutu ashina moye kuzali kama la yapi? C'est celui qui n'est pas né de nouveau. Yoyo dashina na roho ya Mungu. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Mutu nyama. C'est un homme animal. Yote alizalika kwa mwanamke. Tout celui qui est né de la femme. Mutu, c'est un homme animal. Akuna matumaini hata moyo. Il n'y a pas de l'espérance en lui. Sasa wewe unanitapa. Et si Dieu te regarde, anasema huyuwe. Il dit tu ne le sais pas. Uko tu kifurusha mlongo. Tu n'es qu'un état de kama unakufa hawachana na imwa. Si tu meurs, tu n'es pas différent d'un chien. Parce que imwa ishana matumaini. Parce que le chien n'a pas de l'espérance. Mais ya Mungu wewe una matumaini. Les enfants de Dieu ont de l'espérance. Tu matumaini tena tutafufuka. Même si ils mourront, ils ont de l'espérance. Mais ya Mungu. Si tu restes dans l'état de Mungu hauna na bei. Devant Dieu tu n'as aucune valeur. Hata kama watu wanakupatia bei. Même si les diables te valorisent. Hauna na bei. Mais devant Dieu, tu n'as aucune valeur. C'est pourquoi je commande. Moi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Où n'a nini là où vous pokeye? Fais. Duku. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Nini là où n'a yon vous pokeye? Si tu ne fais pas attention. Kama usopoke. Si tu ne crains pas celui qui te l'a donné. Kama ogopona il va te rendre même ce que tu as. Ata kunyanganya na inye où n'a yon. C'est quoi on gopa Mungu? C'est pourquoi crains Dieu. Apana kwa na kitu msumar. Ne sois pas têtu. Dada on gopa Mungu. Ma sœur, crains Dieu. Kama Mungu anasema. Si Dieu est dit. Si Dieu que la Mungu anasema. Écoute ce que Dieu dit. Wewe kumakochi. Agenouille-toi. Umilie Mungu. Supplie Dieu. Amen. L'esprit. Na kenye uzaliwa kuro? Niro. Mettre en toi tel que tu es là mon frère ma sœur. Sasa wewe pale uko ndugu na dada. Tu es né. Ulizaliwa. Seulement de la chair et tu demeures dans cet état. Paka tuku mwili na unabakia paka mwili. Où tu es encore, tu as déjà né aussi de l'esprit. A onesha uzalika na kukiro. Qui croit ce matin? Nani anamini asubuhi ya leo? Qu'il est déjà né de l'esprit. Ya kwamba nesha azaliwa kuro. Je vais revoir un peu les mains. Napenda kuona kwanza mikono. Michonne bien. Je ne vois pas bien. Du côté de soeur. Qui n'a pas encore? Non, nous les évalu kusaliwa kuro. Qui n'a pas encore né de l'esprit? Na... Pour que tu arrives à naître. Du pati kufika mukimu akusaliwa. Il faut rencontrer Jésus. Il n'a pas chukutana na Yesu Kristo. Jésus Christ crucifié. Yesu Kristo mwenye kusulubishwa. C'est lui qui a payé le prix. Yendo alilipa bei. Maintenant, sasa. Nous parlons de l'adoption. Tunasemea yule ya kuitiwa bana. Ekutemwa mepesa sha. Munisikie banduku na badada. Seji enende la che. Kya kuzalika kumwili. Ayinu nature. Kikuna asili ya yo. La nature de Seji enende la che. Asili. Seji enende la che. Kya kuzalika kumwili. Ah, un caractère. Kikuna tabia. Le caractère de ce qui est né de la chair. Tabia kenyo zalika kumwili. C'est les œuvres de la chair. Ni matendo ya mwili. Toutes les œuvres de la chair. Matendo yote ya mwili. Les œuvres de la chair. Matendo ya mwili. Dieu condamne ça. Mungu anayihukumu. Et la finalité. Na mwisho yayo. De celui qui est né de la chair. Ya ule zalika kumwili. C'est la mort. Ni lufu. De la chimami apani. Je m'arrête par là. Bina shimamia. Sasa. A aussi une nature. Na kyo kikuna asili ya yo. La nature de ce qui est né de l'esprit. Asili ya kenyo zalika kuro. C'est la sainteté. Ni utakatifu. Amen. Amina. C'est la sainteté. Ni utakatifu. Le caractère de ce qui est né de la chair. Tabia kenyo zalika kumwili. C'est le caractère de la parole. Tabia kenyo zalika kuro ni tabia ya neno. Oui. Le caractère de ce qui est né de l'esprit. Tabia kenyo zalika kuro. C'est le caractère de la parole. Ni tabia neno na Mungu. Et le caractère de la parole. Na tabia neno na Mungu. Nous le voyons. Kuna yona. À travers le fruit du Saint-Esprit. Kupitia matunda ya Roho Mtakatifu. Et la finalité de tout ça. Na mwisho ya yote. Sasa leo. Mon frère, ma soeur, tuku yangu na dada yangu, pour le salut de Dieu, jia bateule ya Mungu, dont leur conscience a déjà été réveillée, bale zamiri yao inashamshwa, et la conscience de salut, na zamiri ya bateule, est réveillée par la prédication de la croix, inamshwa na mahubiri ya msalaba, car la prédication de la croix est prêchée, wakati mahubiri ya msalaba, la conscience de la lutte se réveille. Amen. Amina. Ainsi. Ivi basi. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Musikie kile mtumishi wa Mungu anasema. Dans la lettre circulaire 41. Mubarua kuzunguka 41. Page 4. Page 2. Karatasi ya pili. Nous lisons d'abord cela. Tunasoma kwanza ile. Paragraphe 2, il dit ceci. Nukta ya pili asema hivi. Dans ce dernier âge de l'église. Mwikizazi ya mwisho yaka. Est révélé. Na yeye kufunuliwa. Venu à nous. Inakuja kwetu. Dit. Inasema hivi. Voici l'époux. Tazameni bwana arusi. Sortez. Tokeni. À sa rencontre. Mwende mkutanishane na yeye. C'est ça le message, non? Njo, mjumbe. Voici. Tazameni. L'époux. Bwana arusi. Sortez. Tokeni. Allez à sa rencontre. Mwendeni mkutanishane na ye. Cependant. Japo. Pour être prêt. Djua kwa. Pour être prêt. Djua kwa tayari. Nos lampes doivent être apprêtées. Ma lampe yetu inapashi kwa tayari. Rempli d'huile. Mon frère, regarde bien. Mafuta yako iko nenda kupunguka. Ton huile est en train de diminuer. Fanya attention. Faites attention. Est-ce que tu sens encore l'onction telle que tu l'as senti avant? Et tu ngari nasikia upako vile ulikuwa nasikia kumwanjo? Est-ce que tu pries comme tu priais avant? Et tu unaomba vile ulikuwa naomba kumwanjo? Ma sœur. Dada yangu. Est-ce que tu cherches la face de Dieu comme tu cherchais avant? Et tu unatafuta uso wa Mungu vile ulikuwa unatafuta zamani? Jésus est à la porte. Yesu yuko kumulango. Ne te contente pas de cet état là. Usifurahikie tu ile hali mule uko. Nos cruches Bobo aussi être pleine de l'huile de l'esprit. Ma vyombo yetu inapaswa yenye kujala mafuta ya kiroho. Il ne s'agit donc pas de la nourriture venant du ciel. Alakini inapaswa kuwa tena na chakula ya kutoka kumbingu. La parole de Dieu doit être semée dans nos cœurs. Neno la Mungu inapaswa kupandwa mu mioyo yetu. Amen. Amina. La parole de Dieu doit être semée. Neno la Mungu inapaswa kupandwa na kuchungwa. Les cruches pleines qu'avait le vierge sage de Matthieu 25. Ma vyombo yenye kuyala ile ilikuwa na babikira ba ikima ba Matayo 25. Contenait les deux. Ilikuwa na vyote viwili. La parole, il voit naneno et l'esprit. Très superficiellement, na kuyangalia mzuri. On peut croire qu'il n'est pas que qu'il n'est question que de l'huile vivifia l'esprit. Unaweza kuwazia sema ni paka mafuta bure yenye kuonekanisha roho. L'esprit n'est pas un vent sans conscience. Pardon? L'esprit n'est pas un vent sans conscience. Roho haina mpepo bila zamiri. Il agit, il attenda, et il révèle la substance divine de la parole. Na ikunaonesha nguvu ya kimungu ya neno. Ya kweli. C'est les deux agents. Apana neno lote lote apana. Pas la parole qui est prêchée dans les dénominations. Aina neno ile banahubiri mazebo apana. La parole révélée. Neno yenye kufunuliwa. Que Dieu nous a révélé dans cet âge à travers le ministère prophétique. Ile Mungu alitufunulia mwikizani la kupitia utumishi. À travers le Saint-Esprit agit. Kupitia yayo njoro mtakatifu konatenda. Et dans les cruches de beaucoup de gens. Na mumitungi ya watu mingi. Cette parole n'y est pas. Hii neno haina motena. Pourquoi les gens seront déçus? Je commande avant tout va t'accosser. Kama Mungu alimpatia bantu venye kushimama mu sauti ya Mungu ya kweli. Si Dieu vous donne derrière ces gens. Et toi et moi nous avions eu la grâce. Wena mimi tulipata neema. D'avoir des véritables serviteurs de Dieu. Ya kuwa na batumishi ya Mungu ya kweli. Envoyé de Dieu. Venye utumwa na Mungu de partir. Venye kutumwa na Mungu. Et ce ministère. Na ile ba utumishi. À travers l'esprit. Kupitia roho. Travaille pour notre édification. Kuna tumika juu ya kujengwa kwetu. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu une introduction d'une grande profondeur dans toutes les doctrines bibliques, ainsi que dans la partie prophétique de l'histoire du salut. De nous occuper conformément à l'injonction divine de l'enseignement personnel ya mafundisho ya upeke dans notre propre vie mu maisha yetu mwenyewe et d'entreprendre na ya kuanza et d'entreprendre na ya kuanza wala ya kutumika notre préparation matarisho yetu en vue du glorieux jour de Jésus-Christ kwa ajili ya siku ya damani ya Yesu Kristo. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui ni nini ya mafa leo doit maintenant se s'occuper. Ana pasi kuangaikia de l'enseignement personnel de sa propre vie. Ya mafundisho ya upeke ya maisha yake mwenyewe. Et entreprendre notre préparation. Na kuanza matayarisho yetu. Il continue. Anaendelea na kusema hivi. De l'enseignement personnel dans notre propre vie. Mafundisho ya upeke ya maisha yetu. Et d'entreprendre notre préparation na ya kuanza matayarisho yetu en vue en ce jour-là mwile siku tous les croyants baminifu bote formant ensemble benye kutunga pamoja l'église banatunga kanisa seront présentés devant le Seigneur bataonekanishwa mbele ya Bwana sans tache bila taka ni ride wala kikunjo ni rien d'ensemblable wala kia kufonana na ile lors du retour du Seigneur Jésus Christ wakati ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo on ne nous demandera pas abata tuombaka si notre enseignement est parfait kama mafundisho tuku kamilifu Eglise du Jésus Christ wakati ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo on ne nous demandera pas abata tuulizaka Si notre enseignement est parfait. Kama mafundisho yetu ilikuwa kamilifu. On ne nous demandera pas. Abata tuulizaka. Si notre connaissance est sans défaut. Kama ufamu yetu haikuwa na kosa. On ne nous demandera pas. Abatatuulizaka. Si nous avons la pleine révélation du message divin. Kama tukuna utele ufunuo ya ujumbe ya Mungu. Ce qui sera valable. Ile itakuwa ya mafaa. C'est ce que Dieu aura pu accomplir au travers de sa parole et de son esprit à chacun d'entre qui ne croit pas se connaître à Mungu. C'est ce que nous devons manifester devant Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu au travers sa parole c'est ce que ça fait dans notre vie. C'est ce que nous devons manifester devant Dieu et c'est ce que Dieu va agréer. Mais pour l'instant, quoi passe à ça? L'église de Christ, Kanisa ya Christo, n'est pas encore un seul cœur et une seule âme. Aya, il n'a pas souka sana comme jamais auparavant. Ça va, vila y a pas souka kazamani. Il y a un grand chaos. Kuna kwa kuaribika kunene. Comme jamais auparavant. Ça va kula kuyafanika kazamani. Frère Branham disait. Branham kwa nasema. Dans une prédication. Mumaubiri moya. Le corps le plus malade qu'elle se connaisse. Mwili lenyu kwa mgonjwa sana kushinda. Le corps du Seigneur. Mwili ya Bwana. N'y a-t-il point de bombe en Galade? Et si akuna kodawa ku Galadi? Et kakambo vi n'y a pas de bombe? Et si kukambo vakuna dawa? Et si si n'y a pas de bombe ma soeur? Et si apapa na dawa dada yami? Si y'a du bombe? Kama kuku dawa? Pourquoi la guérison de la vie de mon frère? Cet état d'incrédulité? Si y'a nous rendela mui ali ya kutoku wami? Si y'a du bombe? Kama kuku dawa? Pourquoi n'y a pas de changement dans ta vie ma soeur? Si y'a ni n'akuna mabadiri kom maisha yako dada yami? Miaka na miaka? Desane desane? Upa pagabilo ne kalaka? Tu y'a toujours le même? Toujours avec de l'orgueil. Comme tu l'as toujours été. Le corps le plus malade que je verrai à la parole de Jérémie. Ari soma niku ari angalilia kunikuneno ya Jérémie. Jérémie chapitre 8 22. Jérémie munane makumbi nabili. N'y a-t-il point de bombe en Galade? Et yakuna kodawa mgaladi. N'y a-t-il point de médecin? Et yakuna banganga. Car Kwani, pourquoi n'ont-on pas appliqué un appareil de pansement à la vie de mon peuple? Gianini, la tupate abari ya kwamba donde habitu wangu akitunzwe. Que dirait frère Branham aujourd'hui? Dugu Branham enseigne sa fille. Banapatikana mwali moya mbaya. Que celui de tous les sortes. Kushindia abantu bengine. Jamais. Kamwe. Dans l'histoire de l'église. Mwadisi ya kanisa. Un tel chaos. Kuharibika kwa namna hii na ilio na kuyaonekanaka a la suite da revenge kupikisha amsho. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est plus le temps de jouer. Aina tena wakati ya kupumzika. Tunapasha kufoka pale inafai kufoka. Nous devons tonner là où il faut tonner. Tu n'as pas à vous reprendre, fallait n'a pas vous reprendre. Nous devons réprimander là où il faut réprimander. Tu n'as pas à vous corriger, devons pas vous corriger. Nous devons corriger là où il faut corriger. Tu n'as pas à vous discipliner, fallait n'a pas vous discipliner. Devons discipliner là où il faut discipliner. Mais là où tu vas la méchance. Aujourd'hui menace la blague. Le ciel. Bingo. C'est pour ceux-là que Dieu adopte aujourd'hui. Ni avale mungu anakubali leo. Comment Dieu va t'adopter mon frère? Atakukubali namna gani ndugu yangu? Maisha yuko naye. Avec la vie que tu mènes. Tu peux te cacher devant les hommes. Unaweza kufichama mbele ya bantu. Mais devant Dieu. Lakini mbele ya Mungu. Hawezi kufichama. C'est pourquoi mon frère. Ndio kwa maana ndugu yangu. Unaweza kukrendre les hommes. Pare Dieu. Pare akogopa watu, ogope Mungu. Et si tu crains Dieu, kama kuogopa Mungu, à être en ordre avec Dieu. Utatafuta kuwa sawa na Mungu. Il continue de dire. Anendela anasema hivi. Page 3. Kartasi ya tatu. Dans Galates 5. J'ai vu l'écriture qui dit ce qui est né de la chair est chair. Narisoma et ce qui est né de l'esprit est esprit. Kenye kuzaliwa kumwili ni mwili. Kenye kuzaliwa kuroho ni roho. Et comment est-ce que tu te prépares? Namna gani unajitayarisha? Comment est-ce que tu peux arriver à l'adoption? Namna gani utafika ukuitiwe mwana? C'est de ça que je parle. Jo inye mina semeya. Ce qui est de la chair a une nature. Kenye usaliwa kumwili kikuna asili. Ce qui est de la chair a un caractère. Kenye usaliwa kumwili kikuna tabia. Ce qui est de l'esprit aussi a une nature. Kenye usaliwa kurona kyo kikuna tabia. Zaidi tu kunaendelea. Comme la Bible dit. Vile Biblia nasema. Nous devons aller de progrès en progrès. Tunapaswa kwenda maendeleo yule maendeleo. Vile que nous avançons. Wakati ile tunasonga mbele. Ce qui est de la chair. Kenye usaliwa kumwili. Est en train aussi de mourir. Tunapaswa kufa. Est en train de mourir. Kikuna kufa. Et ce qui est de l'esprit. Kenye usaliwa kuro. Est en train de se manifester. Chikunenda na kuonekana. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons avoir des frères spirituels. Nous devons avoir des sœurs spirituelles. Et nous devons travailler pour être spirituels. Permettez, je lis seulement ça. Et on arrête. Na tutasimamisha. Dans Galates chapitre 5, moi Galatia suratano, depuis le verset 19, Guanzo Mustaria Kuminatisa, l'apôtre décrit celle de la marche dans l'esprit, Kile Kyakutembe Mukiro, et celle de la marche selon la chair. Na Kile Kyakutembe Kufatana Namwili. La manière d'être d'une sphère. Namna kuwa ya ali. Résiste à la manière de l'autre. Iguna shindana na ali ingine. Et ne peut s'y soumettre. Na yezi kama kuti ile ali ingine. C'est pourquoi. Jokomana. L'écriture parle d'une lutte entre ces deux manières de vivre. Andiko iguna semea yulu ya bukonvi kukatikati ya ile ali mbili ya kwachana. Un véritable élu aujourd'hui, il a un combat qu'il soutient. Je suis en train de combattre ce que je suis. Je viens à l'église. La parole de Dieu me montre mon état. Et je combat cela. Je n'ai pas le droit de te combattre. Je me combats moi-même. C'est pourquoi l'écriture parle d'une lutte entre ces deux manières de vivre. Je comprends la Bible, elle dit que yule vita inakombanishana mwali mbili ndani ya ngumu. Et termine en présentant aux croyants, na inamaliza mkuonesha kwa Kristo, kwa waaminifu, l'ancienneté de chacun. Na ma upeke ya kila mmoja. Or, japo les œuvres de la chair sont manifestes. Matendo ya mwili inaonekana. Lesquels sont? Jo, la fornication. Uzinifu, l'impureté, uchafu, l'impudicité, busharati, l'idolâtrie, wabudu kwa majende, la magie, magie, les inimitiés, wadui, les querelles, makokotano, les jalousies, buivu, les colères, makatirani, les injures, matukano, les divisions, makuronyerich, mabulevi, les orgies, na vitu ya ovyo, et les choses semblables à celles-là. Na vitu vyenye kufanana na hivi. Au sujet de ce que je vous déclare d'avance, Julie avait mina tangulia kumiangazia, comme aussi je l'ai déjà dit, paka vile mina ishaisema, que ceux qui commettent de telles choses, ya kwamba vyenye kutenda vitu ya namna hii, n'hériteront pas, hawawezi kama kuiriti, le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu. Immédiatement après, kisha tu parle, nous sommes décrits des fruits de l'esprit. Manatonesha tena matunda ya roho. Tabia ya mtu wa kimwili. Et les fruits de l'esprit. Na matunda ya roho. C'est ce qui caractérise le caractère de la parole. Le caractère de celui qui marche dans l'esprit. Je kunaonesha tabia ya kiroho, tabia ya neno, inaonesha tabia ya mtu mwenye kutembea mkiroho. Un caractère que Dieu doit agréer. Tabia ile Mungu anapaswa kukubali. Immédiatement après, nous sommes décrits les fruits de l'esprit. Kisha tu ile manatonesha matunda ya roho. Qui sont yenye kuwa l'amour, mapendo, la joie, fura, la paix, salama, la longanimité, uvumilivu mrefu, la bienveillance, mapendo, la bonté, na wema, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole, la tempérance, kujizuiza. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Sheria yezi kama ukombanisha hivi vitu. Chacun, kila mmoja, peut se considérer, anawezi kujiangalia, et se prouver, na kujipima, devant cette description, mbele hii ma picha, il se trouve en face d'un miroir, eko mbele ya kio, personne, hakuna mtu, n'a besoin d'être particulièrement spirituel pour constater laquelle des deux listes les concerne. Hakuna mtu hapoezi kutafuta kwa kiro bila kuangalia hii mapicha mbili inamasandemande pake kitu trop de couvrir situé charnel haifai uko wa kiro kabisa mtu utaangalia useme mimi niko wa kiro sandemande pake tu sois trop spirituel pour découvrir que tu es spirituel. Nous sommes enclins à classer les œuvres de la chair selon notre propre représentation. Donc vitendo yote ya kimwili si tu na vipanga kufuatana na kuona kwetu. Mais mon chité vle mungu yana sema. Matendo yote ya kimwili. Toutes les œuvres de la chair. Yenye tukuna tenda. Que nous commettons. Ni nini. C'est quoi? Kuona kwetu. Et nous les jugeons plus ou moins graves. Tukuna yamua sema ina pitako. Dieu classe. Mungu yeye yana panga. Chacune des faces de cet être. Kila. Ali. Kila yoyote eko naishi mu vitendo ya kimwili tout celui qui vit selon l'œuvre de la chair c'est diabolique humain ni vya kimwili ya kidiabolo vya kimwili c'est diabolique humain ni vya kim ni vya kishetani mtu oui ni vya mtu wa shetani mtu wa shetani. Mungu est-il le shétan? Est-ce que Dieu peut agréer les choses diaboliques? C'est pourquoi il n'y a pas d'adoption. Jokamana kukukuitiwa bana. Nous fermons l'œil. Tunafunga licho. Nous ne travaillons pas. Shia tutumike. Et nous pensons que ça toka paka hivi. Nous croyons que ça peut sortir de soi. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Kukubitu bile Mungu awezi kufanya bila wewe dada unapasha kufanya mu maisha yako ya Mkristo. Il y a des choses que toi ma sœur tu dois faire dans ta vie. Hey. Na et ce qui concerne les fruits de l'esprit, c'est humain divin. Ni ya kimuntu wa kimungu. Et c'est à ça que Jokuile, nous sommes appelés à y arriver. Jokuile, tunaitiwa tufikie. Et nous devons, c'est à ça que nous allons voir des frères, Jokuile, nous allons voir des sœurs. Tunaona watu na badada wenye kwa wakiro. Il n'y aura pas de calomnie. Akutakwa masingiziano. Il n'y aura pas de médisance. Akutakwa mashimango. Il n'y aura pas de jalousie. Akutakwa buivu. Il n'y aura pas des inimitiés. Akutakwa muadui. Il n'y aura pas de division. Akutakwa maukabulana. Il n'y aura même pas de secte. Akutakwa tuwawezi kuikubali kamwe. Nous travaillons pour être spirituels. Tukunatumika juu tupate kuwa bakiro. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Et si mnapokea kitu fulani? Qui peut vous aider à prier? Kila inayenisaidia kuomba. Qui peut vous aider à marcher? Combattez en vous toutes les œuvres de la chair. Et tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, Je compte sur toi, mon frère. Vous bénisse. Mungu amibariki. Je remets la chair au pasteur. Natia mimbari pastori.